exhorté au cours de cette semaine pour la seconde fois. J'ai dit au cours de ce mois pour la seconde fois. C'est donc un privilège pour moi, mais une occasion aussi que le Seigneur me donne pour que nous puissions ensemble nous exhorter, nous édifier et nous encourager. Vous vous souviendrez que le dimanche passé, nous avions parlé autour du texte de Genèse chapitre 5. Nous avions vu cet homme, Enoch, qui avait marché avec Dieu. Enoch qui, en marchant avec Dieu, Dieu parce que avait approuvé ses sentiers, avait approuvé ses voies, Dieu l'a pris. Dieu l'avait pris vivant. Il n'a pas connu la mort comme nous. Nous connaîtrons la mort, à moins que le Seigneur, n'est-ce pas, revienne. Et à ce moment-là, nous pouvons aller à sa rencontre comme Enoch, comme Élie et comme notre Seigneur lui-même. Mais le Seigneur a connu la mort et est ressuscité d'entre les morts. Il est rentré, n'est-ce pas, il est entré dans le lieu glorieux et Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Ainsi, nous avions montré qu'il n'y a que trois personnes qui sont entrées auprès de Dieu vivants. Les autres ont connu la mort ou connaissent encore la mort. Où nous connaîtrons la mort. Mais nous avons vu les avantages qu'il y avait à marcher avec Dieu. Nous avons vu qu'Enoch, par exemple, il avait été pris vivant parce qu'il avait marché avec Dieu, parce qu'il craignait Dieu. Et il a vécu environ 365 ans, mais toujours avec Dieu. Que c'est un privilège de marcher avec Dieu. Pour cela, nous avons été amenés à parler avec vous, à partager avec vous aussi l'exemple d'un jeune homme qui était esclave, israélite, vendu, n'est-ce pas, en Égypte, et parce qu'il avait marché avec Dieu, parce qu'il craignait Dieu, Dieu l'avait élevé. Il était devenu le premier ministre, n'est-ce pas, en Égypte, dans la terre étrangère. Nous avons vu que là, Dieu lui avait donné la sagesse. Dieu lui avait donné l'intelligence. Et même en prison, il craignait toujours Dieu. Et Dieu l'a élevé partout où il était passé. Parce qu'il était avec Dieu. Donc c'est un privilège de marcher avec Dieu. Quand nous marchons avec Dieu, Dieu nous bénit. C'est ce que nous avions dit. Il nous bénit, il nous élève, il peut nous élever même là où nous ne nous attendons pas. Mais quand nous avons aussi vu l'exemple, en voyant cet exemple de Joseph, nous avons vu en tout cas qu'il avait sauvé à coup sûr les Israélites aussi de la famine, parce qu'il a pu sauver son peuple, donc sa famille. Il a pu sauver ses frères même qu'il avait vendus autrefois. Ses frères sont venus acheter de la nourriture en Égypte et Joseph les avait reconnus. Voilà un homme que Dieu avait élevé ailleurs. Et nous avons tiré quelques conclusions en disant que lorsque nous craignons Dieu, nous sommes bénis, mais aussi tous ceux qui sont autour de nous sont aussi bénis. C'est le cas, en effet, de Joseph. Vous avez vu que partout il était passé, même quand il était chez Potiphar, la maison de Potiphar avait prospéré à cause de sa présence. Et quand il était en prison, la même chose, il était élevé, mais il trouvait grâce devant, n'est-ce pas, le responsable de la prison, à tel point que c'est à lui encore qu'on devait demander des instructions. Et nous avons vu que même quand il était premier ministre, il avait tout. Quand les gens venaient chez Pharaon pour que le Pharaon rende justice, mais c'est à Joseph qu'il le retournait et qu'il le renvoyait. Il disait, allez voir Joseph. Nous avons donc vu que Joseph était béni. De la même manière, nous avons appliqué, nous avons fait des applications en nous disant que nous aussi, pour vous, dans certains d'entre nous qui sommes ici, nous sommes étrangers. Les uns, la majorité, nous venons du sud, de ce pays dit en voie de développement. Et nous nous trouvons ici. Et nous avons dit que nous aussi, si nous marchons avec le Seigneur, nous pouvons être la bénédiction pour le pays qui nous reçoit. Nous ne serons pas les indésirables, mais nous serons plutôt, ou nous sommes plutôt, la bénédiction pour ces pays. Parce que nous pouvons prier pour ces pays. Dieu peut, n'est-ce pas, envoyer le réveil dans ces pays. Mieux, Dieu peut envoyer aussi le réveil en Europe pour que les gens qui nous avaient apporté aussi l'évangile reviennent de plus en plus nombreux à connaître Jésus-Christ, à faire cette expérience et à vivre avec lui. En effet, Dieu ne fait exception des personnes. Parce que quand nous lisons dans les livres d'Apocalypse, n'est-ce pas, au chapitre 14, nous verrons qu'ils viendront du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Nous serons ensemble en présence du Seigneur. Et là, nous vivrons avec lui éternellement. C'est pour dire que cette bénédiction nous conduit jusque dans l'éternité quand nous marchons avec le Seigneur. Je voudrais revenir quand même sur le thème de la marche avec le Seigneur en lisant avec vous aujourd'hui un passage qui se trouve dans Jacques, chapitre 5, versets 7 à 20. Je lis le passage, Jacques, chapitre 5, versets 7 à 20. Jacques se trouve entre l'épître aux Hébreux, n'est-ce pas, et l'épître de Pierre. Je lis le passage, si vous n'avez pas de Bible, vous pourrez toujours suivre. Je lis le passage, Jacques, chapitre 5, versets 7 à 20. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre. Prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu le pluie de la première et de l'arrière saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juge est à la porte. Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre, serment, mais que votre oui soit oui, et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui, en l'oignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera, et s'il a commis de péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Élie est un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Voilà donc la parole de Dieu pour cet après-midi. La parole de Dieu que Jacques, le frère de Jésus-Christ, nous a laissée. C'est Jacques qui était le frère de Jésus-Christ, qui a cru en Jésus comme Seigneur, probablement après que Jésus soit enlevé, il a cru en Jésus-Christ. Les autres pensent que c'est le Seigneur lui-même qui lui aurait conduit à la foi chrétienne, donc à la foi en Dieu. Mais là n'est pas notre problème. Tout ce que nous savons, qu'il est frère de Jésus-Christ, mais il a cru. Il a cru en Jésus. Et c'est lui qui nous laisse ce message. Mais cette épître ou cette lettre est une lettre qui est pratique. Il ne donne pas, il ne fait pas de la théologie. Il ne théologise pas. Il ne donne pas de doctrine. Jacques est soucieux de s'adresser, n'est-ce pas, aux chrétiens en dispersion, de leur parler de problèmes concrets, de leur parler de problèmes pratiques. Donc Jacques ne parle pas, ne fait pas de théorie, il fait la pratique. Donc dans la lettre que nous venons de lire, nous voyons d'abord dans un premier temps que Jacques parle de l'avènement de Jésus-Christ ou le retour de Jésus, le second retour. Il nous montre que Jésus vient bientôt, que Jésus est à la porte. Il appelle même Jésus juge. Donc il nous montre que à l'avènement de Jésus-Christ, lorsque Jésus va revenir pour la seconde fois, Jésus ne viendra pas comme un bébé dans le berceau. Il ne viendra pas pour mourir encore à la croix, pour que nous puissions obtenir miséricorde à ce moment-là. Mais il montre que Jésus revient comme juge. Et parce que Jésus va revenir comme juge, cela est le motif pour nous, aujourd'hui et maintenant, de nous conduire aussi en comptant sur Dieu, en marchant avec Dieu, en regardant à Dieu lui-même. Parce que nous savons que lorsque Jésus va revenir, ça ne sera plus pour que nous obtenions grâce, pour qu'il puisse mourir encore à la croix, mais plutôt pour que ceux qui ont cru, ou nous qui avons cru, vous et moi, nous puissions être avec lui, nous puissions vivre avec lui, pour que nous ne puissions plus connaître encore le jugement, que nous puissions vivre éternellement avec le Seigneur. Et si vous voulez que nous puissions vivre éternellement avec lui, il nous invite donc, Jacques s'adresse donc à nous pour que nous marchions avec Dieu. Et en regardant aussi dans le passage, il nous montre par des exemples concrets ce que nous devons faire. Il montre que nous devons marcher usant de la patience dans notre marche chrétienne. Et c'est là qu'il donne l'exemple, n'est-ce pas, du semeur ou bien du cultivateur, du laboureur. Il attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard. Donc quand quelqu'un part planter, il ne va pas récolter demain. Il patiente peut-être pour 3 mois, il patiente peut-être pour 6 mois, il patiente peut-être je ne sais pas pour combien de temps, pour que les semences puissent produire, n'est-ce pas, de fruits. Et c'est comme ça que Jacques montre ici que nous devons patienter, que nous devons avoir de la patience, que nous devons, n'est-ce pas, attendre. Et qu'en attendant, si nous regardons l'exemple qui est donné pour les laboureurs, le laboureur n'attend pas seulement les bras croisés, le fruit. S'il a planté des arachides ou s'il a planté, n'est-ce pas, de blé, il va veiller pour qu'il n'y ait pas, n'est-ce pas, des insectes qui viennent manger ses semences. Il va, n'est-ce pas, utiliser des produits pour bien entretenir le plante. Il va peut-être utiliser des insecticides pour que les insectes ne puissent pas tout détruire. Et c'est la raison pour laquelle Jacques tire des exemples de la vie courante pour montrer qu'on doit avoir de la patience. Et si vous avez été avec nous à l'étude biblique de vendredi, on peut voir aussi qu'il y a cet aspect de patience qui peut s'appliquer à différents niveaux de notre vie chrétienne. Ça peut être individuellement ou bien collectivement aussi, mais ça peut être aussi au niveau familial. Ça peut être aussi on peut l'appliquer dans tous les domaines de la vie, n'est-ce pas? Même dans le domaine du mariage, il faudra aussi de la patience jusqu'à ce qu'on ait atteint la maturité ou dans le domaine, par exemple, moi, je suis en train de patienter. 2 ans que je suis là, mais que j'attends que ma femme et mes enfants viennent. Donc, vous voyez, dans ce domaine de la vie aussi, il me faut de la patience. Parce que sinon, je vais craquer. J'aurais déjà craqué. Je serais déjà malade. Mais donc, Dieu me dit, écoute, il faut encore un peu de la patience. C'est un exemple que je donne. Donc, vous pouvez voir dans votre vie, individuellement, dans quel domaine où vous avez besoin de la patience. Parce qu'il y a des gens, par exemple, qui sont colériques, mais il dit, il est chrétien, mais il est colérique. Mais le Seigneur peut dire, écoutez, dans ce domaine-là, vous avez besoin aussi de la patience. Vous devez faire un effort pour que vous ne puissiez pas continuer sur cette lancée-là. Lorsque nous regardons dans notre texte que nous avons lu, nous voyons que dans la marche avec Dieu, Jacques nous dit que nous ne devons pas nous plaindre les uns des autres. Donc c'est dans le rapport d'homme à homme que je ne puisse pas me plaindre de mon frère Élie, auprès peut-être de mon frère Aaron, que je ne puisse pas peut-être me plaindre de tel frère pour tel autre, pour tel ou tel autre motif, mais qu'on puisse, n'est-ce pas, en d'autres termes ici, il faut de l'amour les uns les autres, plus positivement. Donc il faut s'aimer mutuellement, réciproquement. S'aimer ici, ce n'est pas dans le sens du mari et femme, n'est-ce pas, c'est pas aimer dans le sens, parce qu'aimer dans le grec comprend trois significations, il a environ trois significations, mais ici il s'agit d'un amour désintéressé. Donc nous devons nous aimer mutuellement dans la marche avec Dieu, ne pas nous plaindre les uns des autres, mais nous devons nous aimer mutuellement, parce que si nous nous plaignons les uns des autres, alors la conséquence, c'est qu'il y a les jugements. Il y a encore les jugements qui nous attendent dans ces conditions-là. Et pour cela, Jacques nous donne des exemples vivants. Il fait appel, n'est-ce pas, à un homme que vous connaissez, un homme dont mon frère a cité les textes tout à l'heure. Il montre l'exemple de Job, de la patience ou de la souffrance. Donc quand nous, pour marcher avec Dieu, ce n'est pas chose facile. Ici, on nous montre que nous pouvons aussi souffrir dans la marche avec Dieu. On peut souffrir aussi, peut-être, parce que nous sommes dans la communauté, on peut souffrir de ce que quelqu'un d'autre a dit à mon sujet. On peut aussi souffrir de cela. Mais on peut connaître des souffrances dues aux maladies. On peut connaître des souffrances dues à d'autres problèmes. Mais en tout cela, Jacques nous dit que nous devons prendre pour modèle des hommes comme Job. Il nous montre l'exemple de Job. Si nous lisons dans Job chapitre 1, verset 22, ou Job chapitre 1, verset 1, nous voyons que Job était un homme intègre, qu'il craignait Dieu. Il marchait avec Dieu. Mais en lisant le texte, on voit qu'il avait tout perdu, que Satan a créé des situations de telle manière, n'est-ce pas, qu'il perde tous ses biens. Mais quand nous lisons ce chapitre-là, on voit que Job ne pécha en rien contre Dieu. Quand vous lisez Job chapitre 1, Job ne pécha en rien. En tout, il craignait Dieu. Il a marché donc avec Dieu. Et voilà ici Jacques le cite en exemple, comme un modèle de la patience, comme un modèle aussi de la foi, comme un modèle de la souffrance, mais la souffrance avec Dieu. La souffrance en pour Dieu, la souffrance en comptant sur Dieu. Et si nous regardons encore attentivement, nous pouvons donner même le modèle aussi de souffrance comme les prophètes. Les prophètes ont souffert. Il y a même Esaïe, selon la tradition qui est arrivée jusqu'à nous, qui s'est caché dans le tronc d'arbre et on est parti, on a scié l'arbre dans lequel il se trouvait. Donc il est mort. Mais il est mort en souffrant, en tenant bon. Il n'a pas trahi Dieu. Il est aussi comme modèle de la souffrance, comme modèle de la patience. Et lorsque nous continuons davantage en lisant ce texte, Jacques nous montre que même dans nos rapports mutuels, nous devons aussi apprendre à dire oui ou à dire non. Donc il s'élève contre les serments. Il s'élève contre le fait de dire, oh, vous voyez, pour attester, vraiment, au nom de Dieu, je fais ça. Non, il dit non, c'est pas ça, ça ne sert à rien. Mais il faudra montrer, il faudra dire oui ou dire non. Et quand on dit oui, le oui m'engage. Quand je dis oui, le oui m'engage jusqu'au bout. Je dois accepter les conséquences de mon oui. Parce que j'ai dit oui, je dois aller jusqu'au bout. C'est comme par exemple, comme nous sommes là, comme moi, j'ai dit oui à ma femme. Ou ma femme m'a dit oui. Le oui l'engage jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et c'est comme ça le oui, selon la perspective biblique. C'est un oui qui n'est pas non. Et quand nous avons dit aussi non, le non ne m'engage pas. Je suis libre de tout serment. Je ne peux pas jurer. Je ne peux pas chercher de justification. Quand je dis non, le non, c'est que je ne m'engage pas. Et je suis libre à ce moment-là. Et c'est ce que Jacques est en train de nous montrer, comment nous devons marcher dans la vie chrétienne, dans la marche avec Dieu. Mais Jacques va encore plus loin, et ici il aborde même l'aspect de la vie communautaire. Il va dire, quelqu'un est-il dans la souffrance? Qu'est-ce que Jacques propose aux gens qui souffrent ou les gens qui se trouvent dans une difficulté quelconque? Il dit qu'il prie. Donc la prière doit nous accompagner dans notre marche chrétienne, dans notre marche de tous les jours, dans la marche avec Dieu. La prière, c'est elle qui nous lie à Dieu en d'autres termes, celle qui nous permet de parler avec Dieu. C'est elle qui nous permet d'exprimer nos besoins à Dieu. Et lorsque nous lisons Paul dans sa lettre aux Philippiens, il nous montre que nous devons, n'est-ce pas, faire ou bien adresser à Dieu toutes sortes de prières, de supplications, n'est-ce pas? Nous devons prier. Et c'est ça le modèle que Jacques nous donne. Il dit, il ne faut pas que vous puissiez faire n'importe quoi. Ça ne sert à rien de consulter les vlans pour voir, n'est-ce pas, aller voir les fétichistes ou les, je ne sais pas, les marabouts ou les voyants, parce que dans beaucoup de nos journaux, nous voyons cela. Il dit non. La réponse dans la marche avec Dieu, c'est de pouvoir s'adresser à lui. Par quel moyen? Dans la prière. Donc je n'ai pas besoin de consulter ou bien d'écouter l'horoscope à la radio. Qu'est-ce que je suis Capricorne ou je suis Lion? Non. Mais je suis créé par Dieu, créé à son image. Je dois m'adresser à celui qui m'a créé. Et je dois être en relation avec lui. Et c'est lui seulement qui peut me donner la réponse au problème ou à mes difficultés. Mais là aussi, quand nous regardons, nous allons voir encore l'aspect de la prière, parce qu'elle continue. Il montre que la prière peut être aussi, la prière peut être individuelle. Vous êtes dans la souffrance, vous pouvez prier individuellement. Mais ce n'est pas la fin. Si la souffrance continue, il dit, vous êtes malade, appelez les anciens de l'église pour qu'ils prient pour vous. C'est une autre dimension aussi de la marche avec Dieu. Et cette dimension, parfois, nous ne la voyons pas. Tellement que nous sommes orgueilleux, nous pouvons nous dire, en tout cas, je n'ai pas besoin que quelqu'un d'autre puisse prier pour moi. Surtout pas les anciens. Et les anciens, s'il faut comprendre, le pasteur aussi fait partie des anciens. Les anciens de l'église, les diacres, tout le monde, les gens, les responsables de l'église, il faut les inviter pour qu'ils prient pour vous. Pas c'est Dieu qui les a établis en quelque sorte. C'est ce que Jacques lui est en train de nous montrer ici. Mais cette dimension souvent nous échappe. Nous sommes souffrants, nous sommes malades dans notre corps. Nous voulons nous dépasser de nos responsables. Nous préférons peut-être aller voir un évangéliste international de passage à Bruxelles. Ou d'aller voir, moi j'appelle souvent peut-être d'autres, d'une manière péjorative bien entendu, je dis, mais évangéliste interplanétaire. Parce qu'il n'a pas encore même fait l'évangélisation quelque part, vous voyez, il s'est dit international. Mais ici, le Seigneur nous dit, nous renvoie à notre communauté pour que la communauté prie pour nous. Je me suis dit, en lisant le passage, en la méditant pour notre méditation de cet après-midi, je me suis dit, mais le Seigneur nous veut humbles. Le Seigneur ne nous veut pas orgueilleux. Le Seigneur nous demande d'aller même vers les gens peut-être que nous voyons qui ne sont même pas spirituels. Mais le Seigneur dit, il faut aller vers ces gens-là. Et moi, je vais vous dire que j'ai vécu dans une maison d'un pasteur. Je vous ai déjà dit autrefois que j'étais petit-fils du pasteur. Mais cette fois-là, Dieu m'a conduit à vivre dans une maison d'un pasteur. J'étais là, j'ai vu que le pasteur, souvent le soir, nous prions pour dormir, tout ça. Je me disais, mais est-ce que vraiment le papa pasteur ici est spirituel? Vous voyez un peu, j'étais orgueilleux, hein, parce que vraiment, au début de ma foi, je voyais que tout était, tout roulait comme sur des roulettes. Je me voyais vraiment quelqu'un qui parle avec Dieu face à face. Et j'oubliais que Moïse, avant moi, parlait avec Dieu face à face. Et j'oubliais que d'autres gens ont parlé avec Dieu face à face. Moi, je me considérais déjà vraiment quelque part là. Mais c'est pendant que j'étais dans la maison de ce pasteur, un vieux pasteur, que Dieu m'a beaucoup enseigné, que Dieu m'a beaucoup parlé. Je vous donne un exemple. Il y a des moments, mais c'était un papa qui prêchait, un pasteur qui prêchait aussi, très bien, parce qu'il était loin de l'Esprit de Dieu. Mais moi, je voyais un peu l'extérieur, mais j'ai compris qu'il était un homme de prière. Un jour, nous étions restés avec lui seulement, nous étions deux. Moi, j'étais en train de faire mes travaux. Et puis, j'entre dans la maison, dans le salon, je sens que quelqu'un est en train de parler dans la chambre de mon papa, donc le pasteur. Alors, il était en train de prier. Mais moi, je me disais, mais peut-être il était sorti, mais qu'est-ce qui s'est fait là? Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Je suis parti. Je reviens, 2 heures après, je trouve que la personne était toujours en train de prier. Et vous savez que c'est à ce moment-là que moi j'ai compris que moi je n'étais rien par rapport à ce vieux pasteur-là. Et Dieu m'avait montré que j'étais orgueilleux, il fallait que je m'humilie. Et c'est en causant maintenant avec ce pasteur, un jour il m'a donné le conseil, il m'a dit, mon fils, si tu es en train de prêcher, même si le mur tombe derrière toi, ne te retourne pas, continue de prêcher. Et je ne savais pas que le conseil qu'il me donnait se révélerait réel un jour. Un jour, j'étais en train de prêcher, les jeunes étaient là, nous étions là nombreux, on était en train de prêcher. Et le mur que j'ai vu tomber, c'était quoi? C'était des gens qui tombaient de soi. Je n'avais touché personne. Et j'ai vu des jeunes gens qui étaient en train de tomber et les esprits mauvais qui secouaient des gens. Vous comprenez? J'étais devant un phénomène que je n'avais pas vécu jusque-là. Mais je pouvais laisser la prédication. Mais j'ai vu Dieu intervenir autrement. Dieu a suscité des frères. J'ai vu comme le frère Élie s'élève, prend quelqu'un, le frère Aaron s'élève, prend une autre personne, de certaine, s'élève, prend. Et puis, il commence à faire un travail là-bas que nous n'avions pas, que nous ne connaissions pas. Il commence à chasser les mauvais esprits. Et les esprits sortaient de ces gens-là. Moi, j'étais en bon. Voilà, je me serais privé d'une bénédiction en n'écoutant pas ou en ne voyant pas très bien la personne qui était en face de moi. Mais cette personne m'a fait beaucoup de bien, m'a appris beaucoup de choses quand j'étais avec lui, avec elle, bien entendu, la personne. Vous m'excuserez, Enfin, on revient au texte. C'est pour dire que le Seigneur nous veut humbles dans la marche avec lui. Il nous invite à ce que nous puissions prendre en considération ceux qui sont avec nous ou des gens qui sont placés, qui nous dirigent pour que nous puissions être bénis. Et c'est cet aspect de la prière ici communautaire que j'abordais dans la marche avec Dieu. Mon frère, je vais terminer. Le temps que vous m'avez donné est en train de passer. Alors, quand nous regardons dans le texte encore, donc des anciens ont la responsabilité de prier avec ceux qui sont malades. Mais ici, c'est le malade qui doit demander la prière. Et comme tout à l'heure, un de mes frères a prié pour des maladies spirituelles, des maladies physiques. Et ici, il faut voir n'importe quel type de maladie, par la prière communautaire, elle peut partir. C'est autrement dit, si vous vous sentez aussi lié, ou s'il y a des manifestations que vous ne comprenez pas, ou s'il y a aussi des mots, des maladies que vous ne comprenez pas, il ne suffit pas seulement d'aller voir votre psy, votre psychologue ou votre psychothérapeute, mais vous pouvez demander la prière de la communauté. Et Dieu agira certainement. Dieu répond toujours à une telle prière que vous demandez. Mes frères et mes sœurs, en regardant le texte qui est devant nos yeux cet après-midi, nous pouvons voir aussi qu'il nous suggère que lorsque nous sommes, n'est-ce pas, dans la joie, nous devrions chanter des cantiques. Mais ici, ce n'est pas les cantiques, je ne sais pas lesquels, mais ce sont des cantiques spirituels, des cantiques qui glorifient le Seigneur, les cantiques à la gloire de notre Dieu. C'est ce que Jacques est en train de nous dire. Nous devons chanter des cantiques. Donc nous devons ici prier et chanter. Et en regardant davantage le texte, un autre aspect dans notre vie qui peut faire que nous puissions nous humilier même devant les hommes, c'est cet aspect de la confession qui est évoqué au verset 16. Parfois dans nos églises protestantes, mieux nos églises évangéliques, tellement que nous sommes spirituels, nous avons perdu cet aspect de confesser le péché. Parce qu'est-ce qui arrive? C'est seulement lors d'un culte, lors de la liturgie comme ça qu'on dit, bon, un frère, comme mon frère a dit tout à l'heure, prions, confessons nos péchés pour que Dieu nous pardonne. Et puis nous parlons quelques mots, nous disons quelques brides de mots, et puis amen, amen, alléluia, gloire à Dieu. Nous pensons que nous sommes, c'est fini. Non, mes frères et mes sœurs. Dans la marche avec Dieu, il y a des aspects de péché qui demandent que nous puissions aller auprès d'autres frères, auprès d'autres sœurs, pour leur ouvrir nos cœurs et leur dire, voilà, j'ai offensé Dieu. Voilà, j'ai offensé Dieu en marchant comme ça, dans l'inconduite. J'ai offensé Dieu de telle manière que de frères et de sœurs qui sont autour de vous prennent l'autorité sur des puissances de ténèbres et les chassent. C'est cet aspect de confession. Bien entendu, l'Église catholique, à un moment donné, avait bien fait d'introduire l'aspect de confession, n'est-ce pas, où les prêtres écoutaient quelqu'un pour l'encourager. Mais ce système s'est détérioré et puis on connaît ce qu'elle est devenue. Et les gens, au lieu de confesser réellement de péché, ils partent pour faire de la comédie. Mais ici, la Bible nous encourage à confesser nos péchés, à les confesser. Il dit ici, confessez vos péchés les uns les autres. C'est dire aussi que même si nous devons prier pour quelqu'un, même si nous sommes là, nous devons prier pour quelqu'un, je crois que nous devons aussi, il y a aussi une autre dimension, c'est de confesser, reconnaître notre état de pécheur et dénoncer le péché. Et pour que Dieu nous les pardonne et pour que Dieu nous guérisse ou pour que Dieu guérisse aussi celui pour qui nous sommes en train de prier. Élie était un homme de la même nature que nous. Mais il a prié pour qu'il n'y ait pas la pluie. Et pendant combien d'années où il y a eu l'absence de pluie? 3 ans et 6 mois. Je crois que vous pouvez lire le livre de un roi, vous verrez l'exploit. Mais ici, on nous montre, c'est un homme de la même nature que nous. Mais ici, c'est l'aspect de la prière aussi. Dans la marche avec Dieu, on nous montre cet aspect de la prière, où la prière a une grande efficacité. L'aspect où nous pouvons prier le Seigneur, et le Seigneur peut faire des choses au-delà de ce que nous pouvons penser et croire. Cet exemple, on nous la donne ici pour la pluie. Mais il peut s'appliquer dans d'autres domaines de la vie. Où en priant le Seigneur, il peut faire au-delà de ce que les hommes peuvent croire et penser. Si Élie avait prié seulement et qu'il n'avait pas eu pluie pendant 2 mois, je crois que le roi aurait dit, mais cet homme-là, il avait dit ça, mais voilà, c'est seulement 2 mois. Mais il n'aurait pas cru. Et vous savez que la rencontre d'Élie avec Akab était une rencontre vraiment d'affrontation, n'est-ce pas, de confrontation. Parce que quand il est venu pour dire, mais toi, tu jettes les discrédits sur le pays. Et le prophète lui dit, non, c'est toi, c'est à cause de toi que dans le pays ça ne va pas. Et il avait de preuves pour montrer que c'était lui. Parce que le pays était entré dans l'adoration des idoles. Et il y avait dénoncé cela. Et il y a démontré, n'est-ce pas, la puissance, la force de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, en regardant dans ce passage comme nous venons de le voir, nous voyons alors que il y a enfin une autre dimension dans la marche avec Dieu. C'est cette dimension où on nous montre, n'est-ce pas, l'aspect d'un frère ou d'une sœur qui est égaré loin de la vérité. On nous propose alors de ramener cet homme, cette femme qui est dans le péché, de le ramener vers Dieu. Mais ici, comment nous pouvons le ramener vers Dieu? Nous pouvons aller seul à seul pour voir le frère, pour parler avec lui. Et si nous parlons avec ce frère, si nous parlons avec cette sœur qui vit dans le péché, et si le frère ou la sœur revient à la foi chrétienne, nous avons gagné le frère. Et cela fait, n'est-ce pas, honneur à notre Dieu. Et on voit que c'est un aspect aussi de la marche avec Dieu. On ne doit pas aller crier sur le toit de la maison, tel a fait ceci, ou tel a fait autre chose. Mais plutôt, aller vers le frère. Et je crois que Jésus-Christ lui-même nous a donné cet exemple. Il nous a dit, si ton frère a péché, va et reprends-le seul à seul. Et si tu le ramènes, tu as gagné. Et c'est que la parole de Dieu nous montre enfin qu'en agissant de cette façon, mon frère, je termine, qu'en agissant de cette façon, n'est-ce pas, on couvre des multitudes de péchés. Parce que le péché que le frère a commis ou la sœur a commis, n'est-ce pas, ne sera pas connu d'autres frères, ne sera pas connu d'autres sœurs. Mais il sera connu de toi et de Dieu. Et quand toi tu auras ramené le frère à la foi ou la sœur, n'est-ce pas, les autres ne vont pas connaître ce péché-là. Et on vivra dans l'unité, dans la communion. Donc la marche avec Dieu exige un certain nombre, n'est-ce pas, d'engagement, mais un certain comportement aussi de notre part pour que le Seigneur soit glorifié, pour que le Seigneur soit honoré. Et quand le Seigneur est honoré, c'est son Église aussi qui est honorée. Amen.